On commence tout doux, on vient d'en bas. Équipe enfourée comme les palaces. Police, secours, arrive en balle. Le queue est déjà rempli de dollars. Besoin d'une pirate comme Athéna. J'ai caché milliers sous le matelas. Les ennemis en face sont pathétiques. On fond pas la pelouse et le synthétique. Hachimo, Katia, salut. On fait que jouer avec la moyenneté. Sur une page, fais une plus-value. Si t'es mort, je te donne la moitié. Bandit agité, confiance à mon gars, la baby, je dis pas tout. Sombrer la mentalité, j'peux cromer en bas comme un marron chaque jour. Pour du signe, j'prends des risques, j'me suis trop monté les mains. On s'épanouit dans le taille, même si au fond j'ai trop de remords. Mais où vient là, j'fais le tri comme dans The Wire et Midnight. La malice dans mon 80, ce tri, j'ai mis le jogo et la paire de retours. Pour du signe, j'prends des risques, j'me suis trop monté les mains. On s'épanouit dans le taille, même si au fond j'ai trop de remords. Mais où vient là, j'fais le tri. Comme dans The Wire et Midnight. La malice dans mon 80. Ce trait, j'ai mis le Diogo et la paire de regards. C'est semé d'embûches sur mon parcours. Kalash n'est qu'un franc pique cartouche. J'ai de la seca et des vatos. J'prends soin de mes refs et mon matos. Du zingue, j'prends des risques. J'me suis trop mouillé les mains. On s'épanouit dans le taille. Et même si au fond j'ai trop de remords. Qu'on peut faire du sale sans même viser la tête à perte l'auto carrève, j'en vois colis piégé. Banane en l'or mais pour équipe le zingué. Fallait bien qu'on mange tout. J'ai pas pris les arts sur moi. C'était trop miné, fallait caler ça. Ah j'ai capté leur manège hein. Sur le 85, j'pars en chasse avec la BST. Elle mérite pas que je la touche. Elle est remplie de fontains et MST. Le char ça t'as mes points vitaux. Les choiras ça ramène l'hélico. Je pas toi traîner à les entraîner, je me sens bien en full bird. Je prends des risques, je me suis trop monté les mains. On s'épanouit dans le taille, même si au fond j'ai trop de remords. Vers où y'a là, je fais le tri comme dans The Wire et Midnight. La malice dans mon 80, ce tri, j'ai mis le Diogo et la paire de retour. Du zingue, je prends des risques, je me suis trop monté les mains.